Leçon 8B. Mais est-ce qu'il va rester? Yasmina a peur. Qu'est-ce que son père va faire? Est-ce qu'il va fermer l'épicerie? Yasmina et Ahmed racontent tout aux copains. Tout le monde est d'accord. Ils vont aider la famille Saïd. Comment? Eh bien, ils vont faire une lettre au propriétaire. Et puis, ils vont organiser une journée d'action dans la rue Daguerre. Au stand, tout le monde va signer la lettre. Monsieur le propriétaire, s'il vous plaît, n'augmentez pas le loyer de Monsieur Saïd. Les amis de la rue Daguerre. La journée d'action commence. À côté du stand, les bidules donnent un concert pour Monsieur Saïd. La vedette ? Yasmina. Au stand d'Ahmed, beaucoup de gens achètent des merguez avec des frites et signent la lettre. Tout à coup, une voiture arrive. Un homme descend. Mais c'est le propriétaire. Yasmina a peur. Et derrière l'homme, un chien. Elle a peur de l'homme et du chien. Elle veut crier, mais elle ne peut pas. Alors l'homme va au micro. Qu'est-ce qu'il va dire? Surprise. Mes amis, oublions l'histoire. Achetons chez Monsieur Saïd et mangeons des merguez ensemble. Allez, appelez Monsieur Saïd. Je ne vais pas augmenter le loyer. Les enfants crient. Bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravo, merci, monsieur, bravo, bravo, merci, monsieur. Merci, monsieur. Yasmina, il est 7 heures. Yasmina, tu rêves encore? Maman, on va garder l'épicerie, non? Oui, je pense. Mais ça va être très difficile.